L'alerte rouge, il faut qu'on se bouge. Ils ont de l'avance, tous ceux qui pensent encore qu'on est plus fort, qu'il faut défendre, une place à prendre. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Où es-tu donc passé? Oh, reviens-nous, le monde est devenu fou. Le monde est devenu fou. Le monde est devenu fou. Ni rouge ni vert, tu nous voulais tous frères, tous enfoirés pour la solidarité. Oui, mais avant, il y avait du boulot tout le temps. Et aujourd'hui, il n'arrive plus d'Italie. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Où es-tu donc passé? Oh, reviens-nous, le monde est devenu fou. Le monde est devenu fou, fou, fou. Le monde est devenu fou. Ma France à moi, c'est celle qui ouvre les bras, qui ne dit pas, t'as qu'à retourner chez toi. On peut changer, tout n'est pas fatalité. Faut regarder où est la vraie pauvreté. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Où es-tu donc passé? Oh, reviens-nous, le monde est devenu fou. Le monde est devenu fou. Le monde est devenu fou. Ta belle idée de resto solidaire déplace les foules pour aller à un concert. Mais combien devant la scène votent quand même pour le FN? Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Où es-tu donc passé? Oh, reviens-nous, le monde est devenu fou. Le monde est devenu fou. Le monde est devenu fou. Et moi je deviens fou. Et moi je deviens fou. Et moi je deviens fou. Et moi je deviens fou. Et moi je deviens fou, fou, fou, fou, fou. Et moi je deviens fou. Et moi je deviens fou.